MHz ou en streaming sur internet, c'est l'asile des plus sûrs. Émission que vous pouvez dorénavant réécouter d'ailleurs sur son blog asile35.blogspot.fr. On attaque l'émission de cette semaine avec un petit rattrapage, un disque de la fin 2013 et du rock hexagonal. Il s'agit du tout nouvel album du trio bordelais Happy Whiz qui s'intitule 500 000 euros à 1200 degrés Celsius. Un titre assez énigmatique qui fait référence au bronze de l'ancien maire de Bordeaux et ancien ministre de Georges Pompidou, Jacques Chaban-Delmas. Alors c'est vrai que ça fait pas tellement bander ce genre d'introduction, mais c'est un bronze qui aurait coûté pas moins de 500 000 euros et qui peut être fondu à 1200 degrés Celsius, d'où le titre de ce très bel opus de Happy Whiz, quatrième disque long en date pour les Bordelais, mené par le fameux guitariste Yann Saboya et avec quelques invités de marque, notamment Arnaud Rivière aux platines préparées et ainsi que des membres de XOR. Un album assez zouk, comme en témoigne le morceau qui ouvre cette galette, le titre Pompon. Juste pour vous signaler que c'est sorti bien évidemment chez les Potagers Nature, qui est bon, l'étiquette habituelle de Happy Whiz, ainsi que Et mon cul, c'est du tofu, et que c'est téléchargeable gracieusement grâce à Et mon cul, c'est du tofu. Et autrement, le disque vinylique, on peut se le procurer à 8 euros, pas 1 euro de plus. Et on écoute donc cet extrait de Happy Whiz, le disque 500 000 euros à 1200 degrés Celsius, le titre Pompon. We'll be right back. À l'instant, on a démarré avec le rock très chaloupé de Happy Wheez, le retour des Bordelais et leur disque 500 000 euros à 1200 degrés. Alors l'album est vraiment de cette teneur, donc un peu zoukien sur les bords. Il y a même un titre qui ferait presque penser à du Francky Vincent avec un texte particulièrement apocalyptique. C'est sorti en vinyle chez Les Potagers Nature en coproduction avec différents labels, je ne les citerai pas tous, mais notamment Emancus et du Tofu. Voilà, donc excellent disque de Happy Wheez, A-P-I-U-I-Z. C'était enchaîné avec l'électro décalé façon Jean-Jacques Perret ou Roger sur le retour de monsieur Adi Gelbart, alias Gelbart, et son nouvel opus Vermine qui est sorti chez Gagarine à l'automne dernier, début novembre. Donc Adi Gelbart, qui est quelqu'un qui était originaire de Tel Aviv et qui s'est délocalisé à Berlin il y a de ça quelques années pour produire notamment ce projet quasiment soliste où il joue toutes les parties d'orgue, de synthé, de basse, de batterie, de trompette, de violon et de sax, et mélanger donc pas mal de choses, du prog, de la librairie musicale assez typique des années 70 et autres détournements sonores. Donc évidemment un camarade de monsieur Félix Koubin qui le signe sur son label Gagarine. On va continuer avec l'une des nouveautés de la rentrée 2014. Il s'agit d'un tout nouveau projet suisse sous le nom de Sonar. Sonar qui est l'abréviation de Sonic Architecture, apparemment, et c'est vrai que c'est assez bien trouvé pour ce jeune combo suisse de guitare basse batterie, tant leur musique mélange des structures héritées des musiques minimales répétitives comme du matrock ou du prog aussi. L'album s'intitule Static Motion, il sort ces jours-ci sur le label américain Cuneiform qui produit à raison de 2-3 livraisons par an, l'une en septembre, une autre au mois de mai et une donc en janvier. Et pour cette nouvelle série de disques qui sont exclusivement des CD cette fois-ci, il y aura également un disque de Raoul Bjørkenheim dans le rock norvégien assez bien trempé, ainsi que du free jazz ou du jazz contemporain par Marie Alvorson, Michael Formanek et Thomas Fujiwara, ainsi que deux rééditions du fameux combo Rock in Opposition du début des années 80 présent. Voilà donc le label Cuneiform qui va d'ailleurs fêter ses 30 ans en 2014. Ils ont démarré donc en 84. On écoute un extrait de ce Static Motion de Sonar, je crois que c'est le morceau, si je ne m'abuse, éponyme, qu'on va écouter tout de suite, une pièce assez longue par Sonar. À l'instant, dans les îles le plus sûr, on a attaqué cette séquence avec le matrock assez statique du quatuor Sonar, des nouveaux venus, donc qui pratiquent une sorte de rock un peu post-Rich Chatham. Il y avait presque des accents aussi un peu de King Crimson, époque Red, dans cette séquence de Static Motion, extrait de l'album du même nom, qui paraît ces jours-ci, je crois que c'est le 21 janvier sur Cuneiform, donc un groupe qui n'utilise pas de matériel trop compliqué, pas de séquenceur de loop ou d'effets en tout genre, juste deux guitares, une basse, trois petits amplis et un kit de batterie très rudimentaire, et donc une manière de tricoter un peu de manière assez minimale répétitive ces structures de rock alambiqué, qui étaient enchaînées avec une autre découverte. Là, il s'agit d'un trio, ils sont britanniques, ils s'appelle les Beauty Pageant. Ils viennent de faire paraître leur premier maxi sous le nom de Torso. Alors c'est sorti sur Box Records et Leave Me Here. C'est un trio donc sax, guitare, batterie avec une saxophoniste, baritoniste et altiste, ce qui est plutôt assez original. Mademoiselle Hélène Papayounou, ce qui n'est pas très britannique d'ailleurs, en compagnie de sa collègue guitariste chanteuse Marie Thompson et du batteur Daniel Dixon, un trio de Newcastle totalement inconnu au bataillon, et pour cause puisqu'il démarre. Alors je ne sais pas trop s'ils officiaient dans d'autres combos, on essaiera peut-être d'enquêter et de vous donner le résultat de cette enquête. En tout cas, on leur promet une longue carrière et un album long à venir très très vite après ce maxi Torso. On continue avec un groupe un peu dans la même obédience. Il s'agit de l'un des projets du très prolifique Wiesel Walter. Wiesel Walter qu'on a connu dans les Flying Lieutenant Bakers, c'était il y a au moins une quinzaine d'années, donc un groupe plutôt free rock et free jazz mélangé. On l'a connu à la batterie, mais il pratique aussi la guitare, notamment dans ce projet Cellular Chaos. Cellular Chaos, qui est un quatuor mené par la hurleuse Admiral Gray. Ils ont produit leur premier album long sorti à la fin de l'année dernière sur l'ex-label de Wiesel Walter, UG Explode, puisque ce label a justement implosé en 2013, à la fin de l'année, dû à des problèmes financiers et notamment des tournées avec des pertes financières pour cause d'escroquerie, donc quelque chose de pas très très drôle. Un label qui existait depuis pas loin de 22 ans, donc peut-être que Wiesel Walter refondera une autre étiquette, qui sait. En tout cas, on écoute un extrait donc de Cellular Chaos, le morceau de Cellular Chaos qui s'intitule Repeat, extrait de cet album éponyme, donc Cellular Chaos. Yeah! Un genre de son assez heavy avec des voix gutturales qu'on ne vous a pas passé très très souvent dans l'asile le plus sûr ces 10 dernières années. En tout cas, un disque fort réussi des Marseillais de Das Simple. L'album s'intitule In Girum Imus Nocte et Consumimur Igni, selon le fameux palindrome à lire de gauche à droite et de droite à gauche. Du film de Guy Debord de 1978 avec en traduction cette phrase assez incroyable: nous tournons en rond dans la nuit et nous serons dévorés par le feu. Voilà les Das Simple qui n'ont pas que des références littéraires ou artistiques, mais aussi un son bien à eux et bien trempé depuis les 3-4 dernières années qu'ils existent. Ils avaient fait paraître un premier simple, c'est le cas de le dire, donc il y a tout juste 3 ans en autoproduction. Celui-ci sort également sur leur propre label, En veux-tu, en v'là. Donc des compositions assez massives qui s'échelonnent entre 7 et 10 minutes, toutes composées par le bassiste qui répond au nom de Julius. Voilà, donc vraiment des latinistes marseillais. Donc, et juste avant, il s'agissait des New Yorkais de Cellular Chaos, projet de Wiesel Walter. Wiesel Walter qui restait bloqué sur la no wave new-yorkaise de la fin 70, début des années 80, avec quantité de projets à son actif, dont ce quatuor qui a l'air d'être promis un bel avenir. Voilà, on va continuer avec une séquence de, on pourrait dire, dark, mais cette fois-ci plus ambiante, et un projet que je découvre qui répond au nom de Taphéphobia, avec deux fois un PH. Voilà donc Taphéphobia. Taphéphobia qui est le projet d'un Norvégien qui répond au nom de Ketil Soraker, qui a déjà sorti 3-4 choses avant ce disque qui sort sur l'étiquette Cycliclo. Cycliclo qui nous avait plutôt habitué à faire du mastering et aussi de la distribution. C'est un label canadien, également webzine, et donc il produit ce disque de Taphéphobia sous le titre de Escape from the Mundane Self. Je ne vais pas vous en dire plus, je vais vous laisser découvrir cette musique à base de drums, doom, de guitare et d'électronique. On écoute Taphéphobia. Une séquence de musique électronique pour faire triper dans l'asile le plus sûr avec tout d'abord Taphephobia et le disque Escape from the Mundane Self. C'est sorti sur Cyclic Claw, excellent disque de nappe, drone et autres soundscapes par ce Norvégien que je découvre avec ce disque, mais apparemment il n'en est pas à son coup d'essai. Donc pour les amateurs de la musique par exemple de Nadja et autres Sun-O par exemple, ça peut vous plaire ce Taphephobia et ce disque Escape from the Mundane Self qui était enchaîné avec la musique de monsieur Brian Pile alias Ensemble Économique. Alors là, c'est pas un nouveau venu, on vous a déjà proposé assez régulièrement sa musique, notamment depuis le fameux disque Psychical qui était sorti sur Not Not Fun, c'était il y a de ça 2-3 années en arrière. Brian Pile qui est toujours très très actif puisqu'il sort pas moins de 3 disques en même temps en cette fin d'année 2013, rentrée début d'année 2014, et notamment donc ce disque que je vous ai proposé qui est sorti. Alors c'est un maxi sorti sur Decorder sous le titre Nothingness, un maxi 3 titres. Il y a aussi un disque long sur Shelter Press et je crois qu'il y a encore deux autres opus sortis à quasiment coup sur coup de Brian Pile alias Ensemble Économique, notamment un disque qui fait un peu aussi penser à une sorte de mixtape. Plus ça va, plus sa musique oscille dans des territoires où il mélange un peu spoken words et une sorte de ambiante drone avec des sonorités un peu vintage sur les bords. Monsieur Brian Pile. Voilà, on va enchaîner avec cette fois-ci tout autre chose. Il s'agit d'un combo de Toulouse qu'on aime bien. Il s'agit du Tigre des Platanes qui a sorti 3-4 disques à ce jour, notamment des albums où il revivifiait la musique de Addis Abeba. Donc il rendait hommage à la musique éthiopienne et mélanger cela à jazz contemporain métissé de rock du plus bel effet. Le Tigre des Platanes qui revient avec un disque sorti à la fin de l'année dernière sous le titre Disappearing, sur lequel ils se sont fendus d'un certain nombre de reprises et pas des moindres, des reprises assez incroyables de Dog Faced Hermans, également de PJ Harvey, James Blood Ulmer, de Fred Friss aussi avec un titre de l'époque Skeleton Crew, mais tout ça repris par le sax baryton de Marc Demereau, le saxophone de Mathieu Sourisseau, la basse de Pierrot Pépin et la batterie de Fabien Duscombes. Et on va enchaîner donc avec le morceau Spooning, extrait de cet album Disappearing du Tigre des Platanes, morceau signé d'ailleurs par un musicien de jazz américain, monsieur Butch Morris. On écoute ce titre dans l'asile le plus sûr, le morceau Disappearing par le Tigre des Platanes. Thank you. Une séquence de jazz moderne qui a commencé avec cette pièce excellemment chaloupée, Spooning de Monsieur Butch Morris, qui était interprétée sur un 33 tours des Jazz Doctors de Monsieur Frank Lowe et Billy Bang. Un disque que je vous ai passé d'ailleurs à plusieurs reprises, un morceau qu'une composition que j'adore. Spooning donc était interprété par les excellents Tigres des Platanes, extrait de leur album Disappear Ring, qui vient tout juste de sortir sur le label Freddy Morrison, qui est leur label maison toulousain, qui a sorti ça en CD. Un 33 tours devrait voir le jour d'ailleurs dans peu de temps, le Tigre des Platanes, dans lequel officient Marc Desmoreau et Fabien Duscombe, qu'on a pu entendre notamment dans Cannibal Évahiné, et également des musiciens qui officient au sein de la Friture Moderne. Voilà pour le Tigre des Platanes, qui était enchaîné avec Tiger Hatchery et un extrait de l'album Sun Worship, publié par le label vétéran du free jazz ESP de monsieur Bernard Stallman, qui continue à remettre le couvert régulièrement de décennie en décennie, et ce depuis la révolution d'octobre du jazz de 1964. Donc Tiger Hatchery, qui est un power trio avec un petit côté rock aussi sur les bords. Je pense que ce sont des New Yorkais. Trois jeunes musiciens, Mike Forbes, sax, Andrew Scott Young, basse électrique, et Ben Billington à la batterie. Un premier opus très prometteur, donc sous le titre Sun Worship. On continue avec cette fois-ci plutôt des vétérans du jazz américain, et une manière aussi de rendre hommage au trompettiste Roy Campbell, qui nous a quitté il y a quelques jours de ça. Roy Campbell, qui était quelqu'un de très important aussi depuis une bonne trentaine, quarantaine d'années dans le jazz américain, notamment avec son projet Le New Band. On va le retrouver au sein d'une formation aux côtés, et une formation en fait qui est un projet du bassiste Adam Lane, le Blue Spirit Band. On y retrouve aussi le sax ténor Avram Fever, ainsi que le batteur Vijay Anderson. Et c'est aussi l'occasion de rendre hommage à monsieur Amiri Baraka, de son vrai nom Le Roy Jones, écrivain et intellectuel de la cause noire américaine, qui a été très important aussi pour les musiciens et pour l'ensemble de cette communauté du free jazz noir américain à partir des années 60. Lui est décédé également le 9 janvier. On écoute donc un extrait assez long de ce disque publié par Simp, CIMP, du projet de Adam Slane, le Blue Spirit, et c'est le titre Follow the Drinking Gourd, par messieurs Avram Fever, Adam Lane, Vijay Anderson et donc le regretté Roy Campbell. Thank you. Une séquence dans la pure tradition du free jazz historique, avec un extrait de ce disque de Adams Lane Blue Spirit Band, disque qui vient de voir le jour sur le label CIMP, avec des harmoniques à vous hérisser le poil, et donc une séquence en hommage à monsieur Roy Campbell Jr., le trompettiste qui vient de disparaître, ainsi qu'à monsieur Amiri Baraka, le roi Jones, voilà, qui laisse quantité d'écrits, fort intéressant, dans lequel il faudra se replonger. Voilà, on va se quitter avec un dernier disque. Il s'agit d'une nouvelle étiquette de disque qui vient de voir le jour, le label PRA, qui nous gratifie d'un disque de violoncelle expérimental de très bon goût, et il s'agit de la musique de monsieur Oliver Coates, qui apparemment est britannique, qui a joué tout autant avec le BBC National Orchestra que avec par exemple Radiohead. Il a aussi travaillé par exemple aux côtés de Massive Attack ou encore de Miracalix. Et donc apparemment son projet, c'est faire du Sonic Youth au violoncelle. Alors je sais pas si c'est du Sonic Youth, c'est plutôt une sorte d'ambiance avec là encore beaucoup d'harmoniques de très bon goût. Je vous propose d'écouter le titre qui démarre ce disque, Toward the Blessed Islands, par Oliver Coates. Il me reste à conclure en vous souhaitant une excellente nuit, en vous rappelant que les playlists de la sélection que vous avez pu entendre ce soir sont disponibles sur le blog de l'émission asile35.blogspot.fr, avec possibilité de podcaster les émissions depuis la rentrée 2013. Voilà, excellente semaine à vous, bonne nuit et à bientôt.